vous livre nos livres. Un balado fait par les élèves d'Albert Schweitzer qui encourage la lecture d'albums jeunesse. Cette première série d'émissions a pour titre « Le film ». Nos chroniqueurs se sont inspirés de l'émission « Conte qui raconte » disponible sur la plateforme easy2.tv de Radio-Canada. Mais c'est quoi un film littéraire? C'est un lien entre les livres. Dans notre cas, ce sont les albums jeunesse. Épisode numéro 2. Je m'appelle Lily Jade. Chloé. Emma. Notre film d'aujourd'hui est Noël. Nos livres sont Le merveilleux Noël de Plume, l'auteur Nosy Craw, l'illustrateur Rebecca Harry et l'édition Ground. Le Noël enchanté des noisettes, l'auteur Timothy Nampin, l'illustrateur Rebecca Harry et l'édition Ground. Et le titre est La nuit de Noël, l'auteur est Clément Clarkmore, l'illustrateur est Barbara Reid et l'édition est Scholastic. Pouvez-vous me faire un court résumé de votre livre? Oui, moi c'est l'histoire d'un renard qui veut profiter de l'hiver, puis ses amis s'inquiètent à son sujet car il n'a pas les capacités de survivre au froid glacial dehors. Moi c'est l'histoire d'une nuit de Noël où une petite souris et sa famille ont vu le Père Noël et ils ont pu profiter pleinement de la magie de Noël. Pour ma part, c'est l'histoire de Plume, une petite lapine qui recherche les amis le jour de Noël. Les filles, pouvez-vous me dire votre appréciation de votre livre? Oui, moi j'aime ce livre car je trouve que l'histoire est réaliste et concrète. Le livre est magnifique avec les paillettes sur la couverture. J'apprécie beaucoup ce livre parce que les personnages se soutiennent autant que l'un pour l'autre. Moi j'aime l'idée que les illustrations soient faites avec de la pâte à modeler et que c'est une histoire avec le Père Noël car ça accroche bien les jeunes enfants. Merci de nous avoir écoutés. On a choisi le film de Noël car c'est notre fête préférée et on adore la magie et l'ambiance de Noël. Nous remercions la bibliothèque de l'école Albert Schweitzer, notre responsable de projet. Restez à l'affût de nouveaux épisodes. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin.